Et j'ai passé ma vie à dealer. Vato par l'oseille à tirer. Qui va s'éteindre, qui va briller? De nous deux qui va tirer? Joue avec la vie, joue avec la mort. Comme si on allait s'en tirer. Je repense à qui? Je repense à Asco. Qui aurait cru qui s'en irait? Et merde, j'en ai plus rien à foutre. De gagner, de perdre. Des grosses mises, des grosses pères. Ou bien de prendre des grosses pères. L'ennemi de demain n'est que poteau d'hier. Fais gaffe à qui tu te confies. Bah ouais mon frère, n'aie confiance quand ton père. N'aie confiance quand ta mère. N'aie confiance quand ton fils. La vie c'est pas un film, on avance sur le fil. Tu vas te faire blesser. À faire preuve de constance et donner ta confiance. Tu vas te faire baisser. Ça sera sans toi, ça sera sans moi. Faut vendre, faut sucer des puits. T'as ma confiance si t'as tiré pour moi. Bah ouais le respect ça se mérite. Et le temps me tue. Quel fils de pute. On s'aime et on ne s'aime plus. Que guerre de plus. Et le temps me tue. Quel fils de pute. On s'aime et on ne s'aime plus. Que guerre de plus. Je peux plus pardonner. Je préfère crever seul comme un chien. Ce fils de pute te souhaite le bien. Te tord le dos quand t'as rien à donner. On sera des frères, ouais. Les semaines A, les jours fériés. La vérité, ici ça paie pas. L'homme est plus heureux, les yeux fermés. Tu jacques sur ton prochain. Tu ferais pas mieux, alors pourquoi tu juges? Ta parole vaut pas un centime. Petit fils de pute, pourquoi tu jures? Du mal à comprendre l'être humain. Cette faculté à oublier, tous partis de rien, merci de rien. Je te renvoie dans l'ombre dès que je commence à briller. Ça aide de voir au fond du trou, la corde au cou, réussir ça plaît pas. Les erreurs qu'on commet pas, il faut que tu t'y prépares. Être gentil ça paie pas, je peux plus les blairer. La haine j'ai les rêves, genre de tempérer. Tu veux de l'aide, ça c'est dans tes rêves. Tu veux qu'on t'enterre, on va t'enterrer. Et le temps me tue. Quel fils de pute. On s'aime et on ne s'aime plus. Que guerre de plus. Et le temps me tue. Quel fils de pute. On s'aime et on ne s'aime plus. Que guerre de plus. Sur les photos ça sourit, après ça se baisse, bah faut assumer. T'as pas assuré, pour dire ton lit, ton cadavre à l'arrière du SUV. Des fois le train est en marche, mais vaut mieux rester à clé. T'as quand même pas cru qu'après la putain de guerre, et bah il restait la paix. J'rêve de presser la détente, le cœur noir faut qu'on rentre, les galères qu'on entasse. Aujourd'hui je suis une étoile montante, demain je m'éteins, après demain on me remplace. Si c'était à refaire, bah ouais mon frère. J'aurais pas rappelé, du temps raté, mis un pied en enfer. Si j'avais du flair, j'aurais pas rappelé. Et le temps me tue. Quel fils de pute. On s'aime et on ne s'aime plus. Que guerre de plus. Et le temps me tue. Quel fils de pute. On s'aime et on ne s'aime plus. Que guerre de plus.